attractif pour moi. Neutron semblable pour toi et moi. Radioactif pour toi. Marie Curie et Godzilla. Radioactif pour moi. Proton, yaourt et choléra. Radioactif pour toi. Neutron semblable pour toi et moi. Radioactif pour moi. Neutron semblable pour toi et moi. Radioactif pour toi. Subatomique et Anthony. Radioactif pour moi. Particules bleues et Angola. Radioactif pour toi. Marie Curie et Godzilla. Radioactif pour moi. Neutron semblable pour toi et moi. Radioactif pour moi. Neutron semblable pour toi et moi. Radioactif pour moi. Thank you.